الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسيد avancer au maximum. On voit des espaces. Essayez de remplir les rangs afin de faire entrer ceux qui sont dehors. هذا شهر رمضان قد تقارب تمامه ونحن في السبع الأواخر خير ليالي السنة، فمن كان منا محسنا فعليه بالإكمال، ومن كان منا مقصرا فعليه بالتوبة وإحسان الختام. عباد الله، هذه الليالي ليست كغيرها، هي مباركة وفيها الأجور العظيمة. لذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. أخرجه مسلم. يجتهد في الصلاة، يجتهد في تلاوة القرآن، يجتهد في الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، يجتهد في الصدقات وفي سائر أنواع الطاعات. هذه الليالي لا خصائص عظيمة، منها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيها من الاجتهاد، ومنها ليلة القدر وهي منبع أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهي فرصة العمر غنيمة كبيرة لمن وفقه الله تعالى. ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها، يعتكف يلتزم المسجد ليتفرغ في عبادة الله طلبا لها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن خصائص هذه الليالي العظيمة أن الله أنزل سورة عظيمة كاملة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فالقرآن الكريم أنزل في هذه الليلة العظيمة، فاجتهدوا في طاعة الله، فرصة عظيمة لغفران الذنوب وأجر عظيم في وقت قليل بفضل الله سبحانه وتعالى. عباد الله، في ختم هذا في خاتمة الشهر شرع الله سبحانه وتعالى لنا عبادة لنزداد من الخيرات، منها زكاة الفطر طعمة للمساكن قبل وتخرج قبل صلاة العيد، وهي تجب على كل مسلم. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من التمر أو صاعا من الشعير على العبد والحر، على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. ولا تجب على الحمل الذي في البطن، لا تجب على الحمل الذي في البطن إلا يتطوع بها فلا بأس، كما كان يفعل أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه. الكل يخرج زكاته، فإن لم يستطع الولد مثلا أو الزوجة أخرج عنهم رب البيت وليهم. وفي إخراج زكاة الفطر حكم كثيرة ومنافع عظيمة، هي تطهير للصائمين. لذا شرع ذلك في ختم الشهر. إذن هي تطهير للصائمين من التقصير، هي شكر لله سبحانه وتعالى على أداء العبادات من الصيام والقيام وغيرهما، هي إحسان للفقراء كي يشاركوا الأغنياء من المسلمين وغيرهم في الفرح والسرور يوم العيد. أما وقت إخراجها الأحسن أن تخرج زكاة الفطر في صبيحة العيد، في صبيحة يوم العيد، وإن لم تتمكن من ذلك أو خفت من عدم إيجاد الفقراء لك أن تخرجها قبل يوم أو يومين، وليس لك أن تتقدم على العيد أكثر من يومين كما قال أهل العلم. فمن أخرج زكاة الفطر قبل يومين لا تجزئه ذلك، أما من أخرها إلى صلاة العيد وبدأ الإمام في صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات لا تجزئه عن الفطر، عن زكاة الفطر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود رحمه الله. أما جنسها الواجب طعام آدمي، أما جنسها الواجب طعام آدمي، يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله، فرض أوجب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من التمر أو من الشعير، إذن هي طعام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ترجمان القرآن، علامة الحبر الأمة، طعمة للمساكين. فلا شك أن زكاة الفطر هي من الطعام، جنسها من الطعام، فلا يجزئ إخراجها بغير الطعام كالمال أو الثياب أو الأمتعة الأخرى، لا يجزئ إخراج قيمة الطعام أيضا، لأن هذا خلاف الآثار، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الخير في اتباع من سلف كما قال مالك رحمه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، أخرجه مسلم والأصل في الصحيحين. فإخراجها بالمال مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لهدي الخلفاء الراشدين الذي أمرنا باتباعهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض رضي الله عنه. ولو تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لتعطلت كثيرة من المصالح، والله إذا شرع الأمر يشرع بعلم وحكمة سبحانه وتعالى. ولو تركنا سنة نبينا لضللنا عن سواء السبيل، ولضيعنا ديننا وعزتنا وشرفنا. وأما مقدار الزكاة صاعا من الطعام الذي يؤكل في البلاد، وهذا يعدل تقريبا دون 3 كيلو، أما مستحقها هم الفقراء ومن له أخذ زكاة المال. وتخرج زكاتك في المكان الذي أنت فيه، ولو كنت مسافرا تخرج زكاتك في المكان الذي أنت فيه. ومن لم يجد فقيرا أم لم يعرف الفقراء لغربة عن هذا البلاد، فعليه أن يسأل الإمام أم المسؤولين ومن يعرف الحي، أو له يرسلها في مكان يعرف فيه الفقراء والمساكن. ومما شرع لنا في خاتمة هذا الشهر المبارك الإكثار من التكبير، تكبير المتفضل بالصيام والقيام والطاعات الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتاب الكريم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والتكبير يبدأ من ليلة العيد بعد صلاة المغرب إلى مجيء الإمام لصلاة العيد. والسنة ليوم العيد أن تخرج ماشيا تكبر الله سبحانه وتعالى جهرا إن كنت رجلا في أثناء الطريق، وتخرج وقد أكلت شيئا من التمرات، وتلبس أحسن ثيابك. هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فاختموا يا عباد الله هذا الشهر المبارك بكثرة الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه آخر أيام رمضان، فإياك يا عبد الله أن تفرط فيها، لعل الله أن يرحمك في نهاية هذا الشهر، ولا تكن ممن ليس له من الأجر أو ليس له من الصيام إلا الجوع. إياك أن تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث مالك ابن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وفي كل عتبة قال آمين آمين آمين، ثم قال أتاني جبريل فقال لي يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قلت آمين. إذن رمضان فرصة العمر، فرصة عظيمة ليغفر الله سبحانه وتعالى لنا ذنوبنا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أرحم الراحمين أن يختم لنا هذا الشهر بالخير والبركة والعتق من النيران. الحمد لله رب العالمين، تفضل علينا بإنزال القرآن وبشهر الصيام والقيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من صام وقام وتصدق وعبد الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، chers frères, il ne nous reste quelques jours avant la fin du mois de Ramadan, et nous nous trouvons dans la meilleure période du mois de Ramadan, les 10 dernières nuits, les 7 dernières nuits. Celui qui a agi avec excellence durant ce mois, qu'il parfait, cela qu'il se montre constant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et se montre reconnaissant devant ses nombreux bienfaits. Quant à celui qui a eu des manquements, qu'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il se rattrape durant ses dernières nuits, peut-être ainsi Allah subhanahu wa ta'ala lui effacera ses fautes et ses manquements passés et lui accordera la grande récompense qu'il a promis aux jeûneurs, le pardon pour ses péchés et l'accès au paradis. Dans ces nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts. Il faisait des efforts encore plus qu'à son habitude, alors que durant l'ensemble des mois de l'année, c'était le meilleur qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiallahu anha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait encore plus d'efforts qu'à son habitude durant les 10 dernières nuits. Il s'éloignait de ses épouses, réveillait ses épouses afin qu'elles obtiennent les nombreuses récompenses qu'Allah Azza wa Jal a préparées durant ces dernières nuits. Et ces nuits ne sont pas comme les autres nuits de l'année. Il y a durant ces nuits la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Il nous dit dans son livre, nous l'avons certes fait descendre durant la nuit de la destinée. Laylatul Qadr, c'est la nuit durant laquelle le Coran a été révélé la première fois. Laylatul Qadr, Laylatul Dhatu Sharaf wa Azamah wa Laylatul Taqdir wal Qada as-Sanawi. C'est le moment, Laylatul Qadr, c'est la nuit durant laquelle Allah Azza wa Jal décrète le décret annuel. C'est également une nuit qui a une grande valeur. Durant celle-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui prie la nuit de la destinée ou la nuit de la grande valeur avec foi, c'est-à-dire foi en Allah et foi en la récompense qui nous a été signalée, et espoir, c'est-à-dire en la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ces gens, il lui sera pardonné l'ensemble de ses péchés passés. Pour une nuit de prière, une nuit durant laquelle tu adores Allah azza wa jal, voici la récompense que le plus généreux nous accorde, insha'Allahu ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait la retraite spirituelle durant ces dernières nuits, à la recherche de la nuit du destin. Il restait dans la mosquée sans sortir. Il restait dans la mosquée pour se consacrer à l'adoration de son Seigneur, afin de ne pas être distrait par les gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre donc l'importance de cette sourate. Il nous montre donc l'importance de cette nuit en ayant fait descendre une sourate complète sur la nuit du destin. Il convient donc à chaque musulman de faire beaucoup d'efforts durant ces dernières nuits afin qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous accorde la grande récompense. Chers frères, durant cette nuit, il nous a été, durant la fin, ou plutôt à la fin de ce mois béni, le mois de Ramadan, il nous a été légiféré de grandes adorations afin d'augmenter nos récompenses et nos degrés dans l'au-delà, afin de se voir pardonner nos péchés et de finir ce mois d'adoration dans les meilleures conditions. Parmi ce qui nous a été légiféré, Zakatul Fitr, l'aumône qui doit être donnée à la fin du jeûne du mois de Ramadan. C'est de la nourriture qu'on donne aux pauvres et cela doit être sorti avant la prière du Eid. Cela doit être sorti impérativement avant la prière du Eid. Et c'est une obligation à chaque musulman, qui incombe à chaque musulman. Abdullah radiallahu anhu ibn Omar nous dit: le messager d'Allah nous a rendu obligatoire Zakatul Fitr du mois de Ramadan. Sa'an min at-tamr, as-sa', c'est une mesure. As-sa', c'est une mesure. Que ce soit des dattes ou du blé ou autre. Et ceci est une obligation pour l'esclave et la personne libre, pour l'homme ou la femme, l'enfant et la personne qui est âgée parmi les musulmans. Et ce texte est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc l'ensemble des parties de la communauté doivent sortir la zakat. Que tu sois un homme ou une femme, un enfant ou une personne âgée, tu dois sortir la zakat, que tu sois marié ou pas. Et chacun sort sa propre zakat. L'enfant sort tout seul sa zakat. L'épouse sort toute seule sa zakat. Et ceux qui n'ont pas les moyens, alors le chef de famille sortira la zakat pour eux. Mais le mieux dans cette situation est que chaque personne sort sa propre zakat. Celui qui n'a pas les moyens de sortir moins de 3 kilos de nourriture pour le donner à un pauvre, alors il sort ce qu'il peut sortir. Et dans le cas contraire, il n'a rien à donner. Dans le cas contraire, il n'a rien à donner. Mais celui qui a les moyens de sortir ne serait-ce que moins de 3 kilos de nourriture pour donner sa zakat, il doit le faire, même s'il est pauvre, à partir du moment où il a ce qui lui suffit. Et cela a été légiféré pour de nombreuses sagesses. Parmi ces sagesses, le fait de rattraper et de combler les manquements que tu as eu durant ce mois dans ton jeûne. Et sans aucun doute, nous avons tous des manquements et des faiblesses durant le mois de Ramadan. Mais Allah, de par sa grande miséricorde, nous a légiféré cette aumône afin de purifier notre jeûne de ses manquements et de ses défauts. C'est pour cela qu'elle nous a été légiférée à la fin du mois de Ramadan. Et de cela, tu comprends la grande erreur que font ceux qui sortent la zakat en avance. Les savants ont dit que le meilleur moment pour sortir zakat al-fitr, c'est le matin du Eid. C'est le matin du Eid. Et tu as le droit de la sortir la veille du Eid, ou 2 jours avant le Eid, pas avant cela. Pas avant cela. Tu peux sortir la zakat le matin du Eid et c'est le meilleur moment. Ou 1 jour avant, voire 2 jours avant. Comme a dit Mohammed ibn Salih ibn al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, et comme a dit dernièrement l'enseignant de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le grand savant Abdul Razzaq al-Badr. Et c'est l'avis de nombreux savants et c'est une question connue dans les livres de jurisprudence. Parmi les sagesses qui découlent de cette grande aumône, la bienfaisance envers les nécessiteux, la bienfaisance envers les pauvres, afin qu'ils puissent fêter ce jour de fête comme leurs frères parmi ceux qui ont les moyens. Ainsi, on nous a légiféré cette aumône. Donc tu ne dois pas dépasser ou tu ne dois pas faire devancer de plus que 2 jours. En ce qui concerne la fin de ce moment légiféré pour sortir ta zakat, c'est la venue de l'imam pour Salat al-Eid. Tu as le droit de la sortir jusqu'à Salat al-Eid. Celui qui sort zakat al-Fitr après cela, elle ne lui sera pas comptabilisée en tant que telle, mais elle sera une aumône parmi les aumônes. Comme a dit Ibn Abbas radiallahu anhu inda Abi Daoud, rahimahullah. En ce qui concerne la nature de zakat al-Fitr, nombreuses sont les paroles que nous entendons. Que nous a légiféré Allah subhanahu wa ta'ala dans cela? C'est une question importante que chaque musulman doit étudier afin d'adorer Allah avec clairvoyance, afin de ne rechercher que l'agrément d'Allah, afin de se voir accepter son adoration. Lorsque tu adores Allah, tu le fais comme il te l'a légiféré et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam te l'a enseigné. Tu ne prends exemple sur personne en dehors de ton prophète et messager, en dehors de l'envoyé, ton bien-aimé Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. La nature de zakat al-fitr est de la nourriture. La nature de zakat al-fitr est de la nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné cela, comme cela a été relaté par Abdullah ibn Omar. Un équivalent de nourriture qui correspond à un sa', que ce soit des dattes, de la farine ou autre. Parmi ce que mangent les gens de ce pays, tu peux donner du riz, tu peux donner des pâtes ou autre. Parmi ce que mangent les gens dans ce pays, tu peux donner des dattes et ainsi de suite. Et Abdullah ibn Abbas nous dit que c'est une nourriture que nous donnons aux pauvres. Voici l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On comprend de cela qu'elle ne sera pas acceptée chez Allah notre Seigneur pour celui qui aura donné autre que de la nourriture. Celui qui donne par exemple des vêtements ou celui qui donne par exemple de l'argent pour zakat al-fitr, cela ne sera pas valable. Mais si tu veux donner de l'argent en sadaqat pour ton jeune, de l'argent en sadaqat pour les pauvres, alors ceci est une des meilleures adorations. Par contre, pour zakat al-fitr, cela n'est pas valable. De la même manière que celui qui viendrait pour donner zakat al-fitr après salat al-Eid, on lui dira cela n'est pas valable. La sadaqat, c'est une bonne chose, mais tu dois la sortir au moment où Allah l'a légiféré. De la même façon, zakat al-fitr a été légiféré en nourriture. Alors si tu la sors avec autre chose, cela ne sera pas accepté. Voici la parole des savants de l'islam. Pourquoi cela, chers frères? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout transmis et nous a tout expliqué. Et il nous a montré que zakat al-fitr devait être sorti en nourriture. Il nous dit, celui qui fait une action qui n'est pas en conformité avec mon ordre, son action sera rejetée. C'est-à-dire qu'Allah ne l'acceptera pas. Alors ne prends pas le risque de te voir rejeté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il nous a ordonné de suivre la voie des califes bien guidés qui sont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Et ces derniers ont sorti la zakat en nourriture. Alors qu'à leur époque, il y avait de nombreuses richesses. Alors qu'à leur époque, il y avait des pauvres. Donc s'ils ne l'ont pas sorti de manière pécuniaire, c'est qu'il y a une sagesse. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas expliqué de la sorte. Aussi, sache que l'adoration ne doit être faite que comme Allah Azza wa Jal nous l'a ordonné et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Ne délaissez donc pas la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, car en délaissant la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons perdre et nous éloigner du droit chemin. En ce qui concerne la mesure de zakat al-fitr, c'est un sa' min at-ta'am, ce qui équivaut à un peu moins de 3 kilos selon la nourriture que tu donneras. Donc un peu moins de 3 kilos. Tu dois donner cela à des pauvres, à des gens dans le besoin, à des gens endettés ou toute personne qui a le droit à zakat ul-mal, toute personne qui a le droit à l'aumône. ماذا en argent, tu peux lui donner cette aumône qui doit être donnée en nourriture. Celui qui est en voyage devra sortir zakat al-fitr dans le pays où il se trouve. Et s'il ne connaît pas les pauvres ou ne sait pas où se trouvent les pauvres, qu'il se renseigne auprès des gens de sa mosquée, qu'il se renseigne auprès des imams et auprès des habitants du quartier, car ils sont nombreux. Wallah al-musta'an. Et celui qui veut la sortir dans un autre endroit, cela lui est possible, comme ceux qui veulent l'envoyer dans leur pays. À la fin de ce mois, nous a été légiféré le fait de faire beaucoup de takbir, de proclamer la grandeur d'Allah, de dire Allahu Akbar, et cela de nombreuses manières. Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré cela à la fin du mois. Tu commences à partir du Maghrib, la veille du Eid. À partir du Maghrib, la veille du Eid, tu fais beaucoup de takbir. Et cela jusqu'à la venue de l'imam pour Salat al-Eid. Et la sunnah pour Salat al-Eid, c'est de sortir à pied en ayant mis ses plus beaux vêtements après avoir mangé quelque chose pour ne pas être en état de jeûne. C'est une bonne chose de manger quelques dattes, de partir à pied et de proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jal en chemin. Et nous devons donc tous revenir vers Allah Azza wa Jal à la fin de ce mois afin qu'il accepte notre jeûne, nous pardonne nos péchés. Allah Azza wa Jal nous ordonne le repentir dans son livre, dans de nombreux versets. Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin de récolter le succès. Et sachez qu'Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. À la fin de ce mois, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder tous ses bienfaits, de nous pardonner nos péchés, d'accepter notre jeûne, nos prières et nos aumônes, et de nous élever en degré au paradis. Et on se met en garde mutuellement contre le fait d'avoir perdu ce mois. Il ne reste que quelques jours. Celui qui ne revient pas à Allah Azza wa Jal dans le mois de Ramadan, quand est-ce qu'il va revenir vers Allah? Celui qui ne demande pas pardon à Allah Azza wa Jal durant le mois de Ramadan, quand est-ce qu'il lui demandera pardon? Écoute ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar. Après avoir posé son pied sur la première marche, il a dit Amin. À la deuxième également, à la troisième pareillement. Puis il a dit, Jibril m'est venu et m'a dit, ô Mohammed, celui qui a atteint le mois de Ramadan, puis en sort sans s'être vu pardonner ses péchés, qu'Allah l'éloigne. Qu'Allah l'éloigne. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Amin. De ce hadith, on comprend que celui qui jeûne le mois de Ramadan, qui atteint le mois de Ramadan, puis on ne lui pardonne pas ses péchés, il aura perdu une grande occasion de se voir pardonner ses péchés. Il sera éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'une partie de sa miséricorde. Ne perdez donc pas cette grande occasion. Et pour conclure cette khutbah, vous savez tous qu'il y a un projet de construction de mosquée. Allah Azza wa Jal a fait l'éloge dans son livre, dans plusieurs versets, de ceux qui peuplent ces demeures. Et parmi et entre dans cela ceux qui construisent ceux qui vont construire les mosquées pour qu'Allah Azza wa Jal y soit à l'intérieur adoré. C'est l'endroit le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa terre. C'est l'endroit où Allah Azza wa Jal y est adoré. C'est la première chose qu'est faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam après être arrivé à Médine. Dans cet endroit, on y effectue la prière. On adore Allah Azza wa Jal, on apprend à le connaître en étudiant notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'il y a des actions qui vont suivre le fils d'Adam après sa mort. Parmi ces actions, as-sadaqatul jariyah, l'aumône qui perdure. Et parmi les meilleures de ces aumônes, le fait de dépenser pour la construction d'une mosquée. Toute personne qui tirera profit de ton vivant et après ta mort, tu en recevras des récompenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui construit une mosquée à la recherche du visage d'Allah, en recherchant par cela le visage d'Allah, Allah lui construira la même chose au paradis. La même chose, c'est-à-dire que toi tu construis une maison, il te sera construit une maison. Et sans aucun doute, cette maison ne sera pas comme la maison de Dunya. C'est une maison au paradis qui sera faite d'or et d'argent. Donc on s'encourage mutuellement dans cette grande action qui est la construction des mosquées. Wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وصدقاتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واختم لنا هذا الشهر المبارك بالخير والصحة والعافية والقبول واجعلنا ممن استقام في هذا الشهر وممن استقام بعد هذا الشهر اللهم يا حي يا قيوم أنت علام الغيوب أرحم الراحمين ولقد تعلم أن فينا من له مريض فاشفه يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا حي يا قيوم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوم إلى صلاتك. Allah.